mon plein éterne. Je suis qu'un bouquet de cerne, un parapluie dans le vestiaire. Il faudrait que plus solitaire, des salutations austères et le code vestimentaire. Matin que les 0 Celsius et la nausée me rattrape dans l'autobus. Et sous mes deux yeux constatés, les cernes couleur de café. Et ma foi, y'a plus que la chaussée devant nous. Alors que s'écroulent les viaducs derrière les roues, tous les passagers se taisent car voyez, nous sommes tous résignés. Nous sommes des employés. Seulement des corps et du cerf. Nous sommes des employés ternes. Nous sommes des employés ternes. Éternellement subalternes. Toujours des employés ternes. Autrefois étudiants moyens. Autrefois étudiants moyens. Bientôt des vieillards appris. Bientôt des vieillards appris. Qui auront travaillé toute leur vie. Qui auront travaillé toute leur vie. Pour creuser dans leur lit. Pour creuser dans leur lit. Nous sommes des employés ternes. Nous sommes des employés ternes. Des parapluies non délétères. Il faut que tu sois des habitations austères. Et le code vestimentaire. Je suis un emploi-terre. Un coyote circulaire. Le triangulaire. Et oui, sur Radio Libertaire, l'émission C'est là que ça se passe, votre agenda militant, votre agenda de lutte, de rendez-vous, oui, de rendez-vous de lutte, de rendez-vous pour échanger, se rencontrer, discuter, décider ensemble des choses à venir, décider de comment s'organiser, décider de comment lutter aujourd'hui, dans ce contexte, dans ce système, dans cette société. Qui est de plus en plus répressive et qui casse tous les acquis sociaux, hein, comme Laurent a pu le dire dans l'émission précédente lundi matin, avec la loi El Khomri et une première mobilisation et un appel à la grève générale pour le 9 mars. Mais alors je vais en parler quelque peu dans cette émission. Mais ce sera quand même dans l'émission de lundi prochain, puisque le 9 mars est la semaine prochaine. Donc dans l'émission de lundi prochain que j'en parlerai un peu plus qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, hein, lundi 29 février, toujours plein de rendez-vous, hein, à vous transmettre. Des rendez-vous sur Paris intramuros, des rendez-vous, quelques rendez-vous en Île-de-France également, et puis, vous le savez maintenant, quelques rendez-vous en région, dans les principales grandes villes de France, enfin en tout cas de ce que je peux recouper comme information, et puis un petit point d'information international en fin d'émission, si j'ai le temps. Alors aujourd'hui il n'y a pas Milan. La semaine dernière c'était moi qui étais absent, mais Milan qui était présent. Voilà. De toute façon, le fait que l'émission puisse avoir lieu, peu importe si on est deux, c'est toujours mieux. Donc voilà. Mais je m'excuse en tout cas de ne pas avoir été présent la semaine dernière et puis de ne pas vous avoir bombardé de rendez-vous. Autant sur Paris, la région Île-de-France, que en extérieur de celle-ci. Donc, lundi 29 février, eh bien, j'ai déjà des rendez-vous à vous donner pour la réunion, pour la journée d'aujourd'hui. Lundi 29, alors sachez qu'aujourd'hui, à 18h30, il y a la réunion hebdomadaire de la CIP-IDF, c'est-à-dire la coordination des intermittents et précaires de l'Île-de-France. Alors la CIP-IDF, hein, c'est un groupement qui existe depuis bien des années maintenant, Et puis, qui regroupe donc des intermittents et des précaires sur la région Île-de-France, sur Paris principalement, mais pas que. Et ils tiennent une réunion toutes les semaines à 18h30. En tout cas, aujourd'hui, c'est à 18h30. Et c'est tous les lundis qu'ils tiennent leur réunion. Et aujourd'hui, ce sera au Café Associatif La Commune. Café Associatif La Commune, situé à la commune libre d'Aligre, quartier intéressant de Paris, quartier populaire, même si, comme tous les quartiers populaires parisiens, ça se gentrifie de plus en plus. Hein, c'est gentrifie, c'est-à-dire que ça que les personnes populaires, que les personnes prolétaires sont de plus en plus écartées de la vie parisienne. Repoussé en banlieue, et même en banlieue, hein, ça commence à être repoussé au-delà des trois départements de la petite couronne, même s'il y a beaucoup de différences entre les trois départements que sont les Hauts-de-Seine dans le 92, Seine-Saint-Denis le 93 et le Val-de-Marne dans le 94, si mes souvenirs sont bons. Et donc oui, il y a beaucoup de différences entre ces trois départements. Hein. Le 92 est l'un des départements les plus riches de France, tandis que le 93 et le 94 se situent en bas du classement. Mais néanmoins, dans ces trois départements, c'est aussi en train d'être repoussé vers les quatre grands autres départements de l'Île-de-France, hein, que sont le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Alors, pour revenir à la CIPIDF, qui se réunit tous les lundis, ce soir, ce sera à 18h30 au Café Associatif La Commune, qui est situé aux 3 rues d'Aligre, et on y accède avec la ligne 8 du métro, station Ledru-Rollin et station Faidherbe-Chaligny également, ou par la gare de Lyon aussi, hein, c'est pas trop loin, 10-15 minutes à pied selon selon sa propre vitesse de marche. Et avec la gare de Lyon, eh bien, on y accède avec les RER A et D, le Transilien R et encore les lignes de métro 1 et 14. Et puis énormément de bus, hein. Je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de bus qui passent à ces endroits-là. Alors je ne vais pas tous les citer, mais vous avez notamment le 65, le 61, le 86, le 87, pour en citer quelques-uns. Donc voilà, si vous voulez rencontrer la CIPIDF, ou si vous faites partie des intermittents, ou que vous travaillez dans le spectacle, voilà, n'hésitez pas à aller les rencontrer au Café Associatif La Commune ce soir à partir de 18h30. Rendez-vous suivant. Le rendez-vous suivant, ce sera mercredi. Mercredi 2 mars, ce sera à 19h30. Et ce sera à 19h30 pour l'Assemblée Générale du collectif Notre-Dame-des-Landes Île-de-France, qui est une réunion hebdomadaire, hein, c'est toutes les semaines, tous les mercredis à 19h30, et qui est ouverte à tous et toutes. Et cette Assemblée Générale, pour la défense de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et de toutes les ZAD hein, aussi, hein, c'est pas seulement cantonné au sujet de Notre-Dame-des-Landes et à l'aéroport, hein. C'est aussi une Assemblée Générale qui aborde toutes les luttes zadistes, ou qu'on peut englober sous le mot zadiste, pour décider ensemble, pour aussi se renseigner de ce qui se passe actuellement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, enfin, mais sur toutes les ZAD aussi, et puis de pouvoir se renseigner sur le fait de enfin surtout de décider quoi faire, quoi apporter comme soutien aux zadistes, comment faire face aujourd'hui à la répression qui s'abat encore plus sur elles et eux, sachant qu'actuellement sur les ZAD, en tout cas sur la ZAD de Notre-Dame-de-Lande, des constructions pérennes sont en train d'être conçues par les zadistes eux-mêmes et elles-mêmes, et donc c'est intéressant à suivre, je pense. Et cette réunion hebdomadaire qui a lieu tous les mercredis à 19h30, elle se situe au local parisien de la CNT, Confédération Nationale du Travail. La CNT, c'est une confédération syndicale, de syndicalisme révolutionnaire. Et pour le 9 mars, j'espère en tout cas que les gens vont un peu se révolutionner dans leur discours et dans leurs actions. Mais revenons au rendez-vous sur la ZAD. Donc c'est au local parisien de la CNT, Confédération Nationale du Travail, qui est situé au 33 rue des Vignoles. On y accède par le métro 2 station Avron ou par le métro 9 station Buzinval. Ou encore en bus avec la ligne 57. Et pour les grands marcheurs et les grandes marcheuses, il suffit de descendre à Nation aussi. Ce n'est pas nécessairement très loin, un quart d'heure, 10 minutes à pied ou un quart d'heure si on marche un peu plus lentement. Voilà. Et puis Nation, hein, c'est la ligne 2, la ligne 1 du métro. C'est le RER A également. Et je crois que c'est... Ah non, il y a la ligne 6 du métro aussi. Et puis tout un tas de bus par ailleurs. Voilà pour la journée du mercredi 2, c'est à 19h30, hein. Je ne sais plus si j'ai nommé l'heure, mais voilà, 19h30 à la CNT, l'Assemblée Générale du collectif Notre-Dame-des-Landes. Jeudi 3 mars, encore en soirée, à 19h30, ce sera, mais je sais que ça a été déjà dit dans l'émission précédente, mais ce sera la projection du film District 9, donc District 9, à Publico, au 145 rue Amelot. Je vous donne l'adresse tout de suite, hein, vous le savez, Publico. La librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, avec le métro 8, station Fille du Calvaire, le métro 5 et 9, station Oberkampf, et les métros 3, 5, 8, 9 et 11 à la station République. Et en bus aussi, hein, en bus aussi, avec les lignes 96, la ligne 20, la ligne 65, la ligne 56 ou encore le bus 75. Alors, la projection de District 9, alors c'est un film de science-fiction, Laurent vous l'a déjà présenté à l'émission précédente, qui dépeint la xénophobie et le racisme au travers d'une Afrique du Sud ultra-libérale qui doit recevoir des réfugiés extraterrestres. C'est un film de science-fiction, hein, bien évidemment, mais voilà, il faut essayer de se projeter dans une société où l'humanité, et la planète Terre entretient des relations avec des personnes extraterrestres venant ailleurs du système solaire, donc. Et peu importe, en fait, que la discrimination ait lieu entre humains comme on le connaît aujourd'hui, eh bien entre les extraterrestres et les humains, il y a aussi des discriminations, et ce film le présente également comme se voulant une allégorie. En tout cas, le débat qui suivra montrera une analogie entre tout simplement le racisme qui a lieu aujourd'hui entre les individus et le racisme qu'il peut y avoir entre l'humanité et ses réfugiés extraterrestres dans le film District 9. Donc voilà, il y aura une discussion qui suivra la projection. La projection commencera à 19h30 précise. Donc venez entre 19h et 19h30 si vous le pouvez. Et cette soirée est à l'initiative du groupe Regard Noir de la Fédération Anarchiste. Voilà pour les rendez-vous du jeudi. On va passer au vendredi 4 mars. Vendredi 4 mars, et toujours en soirée. Toujours en soirée, ce sera à 19h30, une réunion publique d'information sur les trois procès qui sont actuellement intentés par la maire PS, maire qui a sa carte au Parti Socialiste, du 20e arrondissement de Paris, contre des militantes féministes. Sachant que cette réunion est en partenariat avec le collectif 8 mars pour toutes. Et cette réunion publique, c'est voilà, ça se passe à peu près un an après l'affaire. En tout cas, l'affaire a débuté il y a un an. Et voilà, cette réunion d'info se veut essentielle puisque c'est à la veille de la Journée internationale du droit des femmes. Vous le savez, c'est le 8 mars. Et du festival 8 mars pour toutes également, dont je parlerai un peu plus tard dans l'émission. Et voilà, la maire PS du 20e, c'est Frédérique Calandra, qui est donc une maire socialiste, et qui attaque en justice des trois personnes, trois militantes féministes. Avec notamment Rokhaya Diallo, et puis deux autres personnes dont je n'ai pas les noms devant moi. Mais bon, peu importe les noms, le seul souci, c'est que, voilà, c'est une réunion pour pouvoir s'informer sur cette histoire, en fait, hein, de discrimination d'une femme envers d'autres femmes, et puis pour organiser la défense, hein, puisque l'affaire n'est pas lâchée, et heureusement, et sachant que l'ultime épisode de cet acharnement, c'est que au début de l'année 2016, Rokhaya Diallo, donc une des trois personnes mises en justice, qui apprend qu'elle est poursuivie. Alors oui, voilà, Rokhaya Diallo apprend qu'elle est poursuivie elle aussi en justice, en plus des deux autres personnes, pour le texte Frédéric et Rokhaya sont en bateau. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elle a osé le partager sur Facebook. Voilà, Facebook, c'est un réseau social. Énormément de personnes détient un compte Facebook aujourd'hui. Eh bien voilà, sachez que Rokhaya Diallo est poursuivie en justice pour avoir partagé un texte sur son mur Facebook. Donc pour les personnes qui ont un Facebook et qui m'écoutent actuellement, faites attention avec ce réseau social. Faites attention Faites attention à ce que vous partagez sur ce réseau social, parce que, comme on peut le voir, il est très facile pour les pouvoirs répressifs de l'État de pouvoir vous incriminer de quelque chose parce que vous avez partagé une information sur ce réseau social qu'est Facebook. Voilà. Et Facebook transmet vos identités, votre adresse IP Internet, qui permet de savoir, en tout cas, dans les grandes lignes en tout cas, qui permet de savoir qui a posté tel message, etc. Donc faites attention. Alors, il y a une partie de moi qui a bien évidemment envie de vous dire que, eh ben non, il faut y aller quand même, hein. Il ne faut pas laisser un endroit d'Internet devenir répressif et continuons à publier des choses même si l'État n'est pas content. Ça, c'est une partie de moi. Et une autre partie de moi a quand même envie de vous dire que si vous êtes en prison, vous ne pouvez plus lutter à l'extérieur de la façon dont vous le faites aujourd'hui. Hein ? Donc, si on peut éviter aussi de se faire foutre en tôle, je pense que c'est quand même bénéfique, hein, pour tout le monde. Mais je salue par ailleurs les compagnons et les compagnonnes de lutte qui sont actuellement incarcérés, hein, et puis de toutes les personnes de toute façon qui sont incarcérées, puisque la prison est à détruire de toute façon. Mais voilà, il faut quand même faire attention, je tenais à le dire, avec ce qu'on publie sur Internet, en tout cas sur ce réseau Facebook, parce que voilà, on peut se faire poursuivre en justice très facilement pour avoir partagé une information qui peut paraître quelconque en plus, hein, à nos yeux de révolutionnaires, mais voilà. Hein, on peut être sous le coup de ce genre de répression. Je me souviens, il y a quelques temps, là, quelques semaines peut-être, une personne qui a été mise en placement sous surveillance à domicile, en fait, parce qu'elle avait partagé quelque chose sur Facebook. Voilà, et qu'elle se retrouvait à domicile, plus pouvoir bouger, être à son domicile entre 20h et 6h, donc ne plus pouvoir travailler puisqu'il faut pointer trois fois dans un commissariat qui peut des fois ne pas être celui de sa ville et des fois être à 40 bornes de son domicile. Voilà, faites attention, utilisez Tor la plupart du temps quand même, qui permet de cacher son identité, en tout cas de pouvoir, qui permet de cacher le fait de retrouver sa trace sur Internet, de retrouver sa trace par les forces de l'État, hein, je veux dire, et voilà. Essayez d'utiliser les logiciels qui permettent quand même de se défendre, hein, sur Internet, et voilà. Facebook n'est vraiment pas quelque chose de sain à terme, puisque aujourd'hui, hein, Facebook collabore pleinement avec les forces répressives de tous les États. Voilà. Donc faites attention quand même. Donc voilà pour le rendez-vous, soirée d'information publique légitime défonce d'ailleurs, ça s'appelle, quand la mairie du 20e attaque des féministes. Pour en savoir plus sur cette histoire et discuter de comment lutter. De comment lutter, c'est ce soir au FASTI. Alors le FASTI, c'est la Fédération des associations et de solidarité avec les travailleurs immigrés, et les travailleuses immigrées aussi, qui est située donc au 58 rue des Amandiers. Et le 58 rue des Amandiers, on y accède avec le métro 2 station Ménilmontant, ou encore avec les lignes de métro 2 et 3 à la station Père-Lachaise, ou encore avec les lignes du métro 3 et 3 bis à la station Gambetta, et puis en bus avec les lignes 61, 69 et 96. Alors voilà, je digresse, hein, au fur et à mesure des... Je digresse un peu dans les rendez-vous que je présente, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des choses importantes des fois à creuser sur les rendez-vous, et qu'il ne faut pas hésiter à apporter une critique de temps en temps. Une critique qui peut être positive ou négative, hein. Critique n'est pas un mot négatif en soi. On continue avec les rendez-vous du samedi 5. J'ai deux rendez-vous à vous proposer. Samedi 5, à partir de 10h, le salon anticolonial qui ouvre la semaine anticoloniale, hein, qui est en partenariat avec l'émission Sortir du colonialisme, que vous pouvez retrouver sur Radio Libertaire tous les vendredis. Ah non, pas tous les vendredis, pardon, mais le vendredi de 16h à 17h30, les premiers, troisième et cinquième vendredis de chaque mois sur Radio Libertaire, vous retrouvez l'émission Sortir du colonialisme. Alors, à partir de 10h samedi 5 mars, le salon anticolonial, qui sera sur deux jours, hein, le samedi et le dimanche, ce sera à la Bellevilloise. La Bellevilloise est située au 21 rue Boyer. On y accède avec métro 3 et 3 bis, station Gambetta, ou encore avec les bus 96 et 26. Alors il y aura plein de conférences tout au long de la journée du samedi et du dimanche. Pour vous en donner quelques-uns quand même, pour la journée du samedi, il y aura... On parlera beaucoup de Léonard Pelletier, puisque c'est sa 40e année d'incarcération. 40 ans d'incarcération pour Léonard Pelletier, pour un crime qu'il n'a pas commis. Hein, la justice de classe, encore une fois. Léonard Pelletier, hein, l'un des plus vieux, en tout cas de ce qu'on peut savoir, l'un des plus vieux l'un des plus vieux incarcérés au monde, 40 ans passés, et parfois dans le couloir de la mort. Pelletier, donc Léonard Pelletier, la lutte des Amérindiens. Hein. On les oublie trop souvent, nos compagnons et compagnonnes amérindiens, mais ce qu'ils se sont pris à travers les siècles comme racisme, comme répression abjecte contre des personnes qui étaient là en premier, hein, j'ai envie de dire. Et qui ont subi la colonisation américaine, anglaise et française aussi, bien que de moindre importance, mais il faut aussi le noter. Donc voilà, on parlera de Léonard Pelletier, il y aura des conférences sur les guerres impérialistes actuelles, sur la militarisation de notre société, il y aura des petits films qui seront projetés aussi, il y aura donc avec des débats qui suivront, on parlera de la dette des pays pauvres, hein, qui est un outil colonial ou néocolonial, si on veut utiliser ce mot. On parlera du travail forcé dans les colonies françaises. Voilà, on parlera des massacres coloniaux du 17 octobre 61 et du 8 mai 45. Voilà, donc tout un tas de conférences dans différentes salles de la Bellevilloise. Et puis il y aura des prix qui seront décernés, le prix du colonialisme, le prix du livre anticolonial et enfin le prix de la fondation Frantz Fanon. Il y aura des stands, un salon du livre, des rencontres avec des auteurs, etc., etc. Voilà, tout ça, ça aura lieu à la Bellevilloise samedi et dimanche, samedi 5 mars et dimanche 6 mars. Samedi à partir de 10h, j'ai déjà donné l'adresse pour la Bellevilloise, hein, c'est 21 rue Boyer, métro 33 bis, station Gambetta et bus 96 et 26. Et puis, comme je l'ai dit, c'est en partenariat avec l'émission Sortir du colonialisme que vous retrouvez les premiers, troisième et cinquième vendredis de chaque mois sur Radio Libertaire 89.4. Et c'est à 16h l'émission Sortir du colonialisme. Autre rendez-vous du samedi 5 mars à 14h. Et comme tous les premiers samedis de chaque mois, c'est la Vélorussion, masse critique de Paris. Et je vais vous dire où est-ce que ce sera. Ce sera devant. Le rendez-vous est fixé devant l'Opéra Bastille. Et à partir de quelle heure? Alors. Eh bien, à partir de 14h. À partir de 14h devant l'Opéra Bastille. Alors, c'est la station Bastille avec les lignes 1, 5 et 8 du métro. Et alors, pour les bus, il y en a vraiment beaucoup. Le 86, le 87. Le 69, le 76, le 20, le 29, le 65 ou encore le 91. Bref, de plein d'endroits de Paris, vous pouvez arriver à Bastille. Alors, la Vélorussion, c'est quoi ? La Vélorussion parisienne, c'est une manifestation festive ouverte à tous les vélos et autres véhicules mus par la force humaine, que ce soit les voitures à pédales ou encore les rollers, les skateboards, mais aussi à pied. Hein. On peut y chanter et y scander les slogans que l'on veut. Dans la majorité des cas, la manifestation n'est pas déclarée en préfecture, ce qui implique que chacun et chacune est responsable pour soi-même. Hein. Mais il revient quand même à tous et à toutes de contribuer à la sécurité et à la tranquillité du cortège. Par exemple, en se postant au croisement afin d'empêcher les véhicules motorisés de s'incruster dans le groupe, en n'étant pas source de violence envers les voitures, etc., en étant attentif, pour ceux qui ouvrent la manifestation, à ce que les derniers suivent bien, et en essayant, pour les derniers, du coup, de ne pas se laisser trop distancer par les premiers. Et comme Vélorussion Paris aime les piétons, les transports en commun et les transports partagés, c'est pourquoi, en toutes circonstances, les piétons restent prioritaires lors de nos manifestations et que les couloirs de bus empruntés par les bus et les taxis doivent demeurer libres de tout manifestant. Hein, du coup, la manifestation, elle occupe la rue et non pas les couloirs de bus. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ainsi, les conducteurs de véhicules ont l'effet d'une soupape de dépressurisation qui permet aux scooters et automobilistes trop nerveux d'échapper au pseudo-blocage que Vélorussion Paris leur imposerait et de foncer rejoindre les vrais blocages qui, eux, sont organisés toujours par les véhicules motorisés. Dans la joie et la bonne humeur, venez crier haut et fort qu'un autre monde, une autre ville sont possibles et que le règne des engins motorisés n'est pas une fatalité. Voilà pour la Vélorussion, voilà pour la présentation. Ce sera à 14h samedi 5 mars devant l'Opéra Bastille. Et puis, on y accède, comme j'ai dit, hein, avec les lignes 1, 5 et 8 du métro. Et puis encore beaucoup de bus, comme par exemple le 86, le 87 ou encore le 91. Il y en a encore au moins 5 ou 6 autres. Alors juste, j'essaye de trouver d'autres rendez-vous pour la journée du samedi. Notamment, j'essaye de voir s'il y a des rendez-vous pour notre chère librairie Publico. Eh bien oui, il y en a un. C'est le samedi 5 mars. Le samedi 5 mars, ce sera un concert dans le cadre du festival Femmes de Parole, co-organisé avec l'association Mots et Musique. Et ce sera le concert de Claire. Le concert de Claire qui débutera à 17h30. Alors, venez à partir de 17h. Hein. Ne venez pas avant 17h, puisqu'il y a tout l'installation son et lumière pour la voûte Publico qui sera en cours de travail. Donc, vous pouvez toujours venir flâner dans la librairie, bien évidemment. Mais en ce qui concerne la voûte, ce sera en travail jusqu'à 17h30. Hein. Donc, voilà. Voilà pour samedi 5 mars à Publico. Eh bien, la journée du dimanche. La journée du dimanche 6 mars. Avec, à partir de 11h, comme je l'ai dit juste avant, la deuxième journée du salon anticolonial à Belleville. Toujours en partenariat avec l'émission Sortir du colonialisme et toujours à la Bellevilloise, au 21 rue Boyer, métro 3 et 3 bis, station Gambetta et les bus 96 et 26. Dimanche 6, il y aura aussi à partir de midi, à partir de 12h donc, sur le terre-plein central, au-dessus de la station Belleville. Il y aura des tables d'information dans le cadre de la manifestation féministe qui aura lieu le même jour à 14h et qui partira de Belleville et qui est à l'initiative du collectif 8 mars pour toutes et d'autres collectifs et associations signataires également. Belleville, on y accède avec la ligne 2 du métro. Et il n'y a pas beaucoup de bus qui passent par Belleville, sans doute une gestion encore là classiste du réseau RATP, puisque à Belleville, ce sont quand même beaucoup de prolétaires qui habitent. Donc à partir de 12h, hein, c'est des tables d'information sur le terre-plein central au-dessus de la station Belleville, et à partir de 14h, la manifestation féministe qui débutera de Belleville toujours, et qui s'orientera vers... Alors, j'essaye de trouver vers quel endroit la manifestation se dirigera. Alors, j'essaye de trouver ça. Hein. Alors, il y aura Twitter qui sera utilisé pendant la manifestation avec le hashtag Manif Belleville. Ça commence par le hashtag, c'est le petit dièse en début de phrase avec Manif Belleville. Et j'essaye de trouver l'endroit vers où se dirige la manifestation Et je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Alors, je cherche encore quelques secondes. Non, c'est... En tout cas, voilà. Elle commencera à 14h. Voilà, ça commencera à 14h à Belleville. Si vous voulez venir plus tôt, vous aurez l'occasion de discuter avec les personnes et de pouvoir regarder, feuilleter des choses qu'il y aura sur les tables d'information à partir de midi. Et voilà, la manifestation débutera à 14h. Mais ce ne sera pas la seule manifestation féministe dans le cadre de la journée mondiale des femmes qui, elle, est fixée au 8 mars. Mais voilà, il y aura aussi des manifestations la semaine prochaine et je reviendrai sur celle-ci, sur les autres manifestations féministes, lundi prochain dans l'émission de la semaine prochaine. Donc voilà pour les rendez-vous sur Paris Intramuros, pardon. Alors il y a plein d'autres rendez-vous hein, pour cette semaine, mais voilà en tout cas ce que j'ai sélectionné pour cette semaine. Il y a au moins 2 ou 3, 4 autres rendez-vous par jour, hein, mais voilà. Il y a quand même présenter des conférences qui sont en partenariat avec le PCF et le NPA ne m'intéresse pas. J'espère que ça ne vous intéresse pas non plus. En tout cas, voilà, les rendez-vous neutres ou libertaires ou révolutionnaires que je souhaitais vous donner, vous transmettre, vous informer sur Paris Intramuros. Alors, on va se faire une petite pause musicale avant de passer à quelques rendez-vous sur l'Île-de-France. Alors, j'ai pas eu le temps de sortir mes petits CD en arrivant dans les studios de Radio Libertaire, puisque je suis arrivé un chouïa en retard. Allez, on va s'écouter un petit reggae. Voilà, on va s'écouter un petit reggae avec Tiken Jafakoli. Et le titre African Revolution. African Revolution. Voilà. Avec l'accent anglais, ça le fait peut-être un peu mieux. Le temps que je mette le CD en place. Et voilà, c'est enclenché. Petite pause musicale avec Tiken Jafakoli. African Revolution. Et on se retrouve juste après. In your hands, brother, There is the key to this continent. And if you don't unlock it soon, it will be lost to the government. Why are we coming together, yo? Toujours à l'écoute de Radio Libertaire dans l'émission C'est là que ça se passe sur le 89.4 en Ile-de-France, sur la FM et partout ailleurs sur le site de la radio, sur le streaming, les www.radio-libertaire.net. On vient de s'écouter Tiken Jah Fakoly avec le titre African Revolution. Et puis, on va continuer vers les rendez-vous, quelques rendez-vous en Ile-de-France. Alors, j'en ai pas noté beaucoup. D'ailleurs, juste avant de passer au rendez-vous Ile-de-France, je remercie l'appel que j'ai reçu pendant cette pause musicale. Apparemment, la loi El Khomri va être repoussée de 2 semaines. Voilà, apparemment, la loi El Khomri va être repoussée de 2 semaines, en tout cas l'étude par l'Assemblée nationale de la loi El Khomri va être repoussée de 2 semaines, donc ça ne commencera pas le 9 mars. Il n'empêche que il faut maintenir la mobilisation, peu importe si la loi, l'étude du texte de la loi passe à l'Assemblée dans 1 mois, dans 3 mois ou dans 3 jours, peu importe, il faut qu'on sorte de nos gonds, hein. Il faut vraiment que cette fois-ci on y aille. Ça fait quelques années qu'on traîne les pantoufles, qu'on traîne les pieds et qu'on prend pas en compte réellement vers quel monde on se dirige actuellement, de plus en plus répressif, de plus en plus un retour au 19e siècle, voire même avant, dans certains cas. Même si la loi est repoussée de 2 semaines, l'étude de la loi par l'Assemblée nationale est repoussée de 2 semaines, eh bien, je pense que la mobilisation et la grève générale du 9 mars peut vraiment débuter quelque chose. En tout cas, je l'espère, on l'espère ici à Radio Libertaire et à la Fédération anarchiste. Sachez d'ailleurs que Laurent a annoncé en fin d'émission le rendez-vous à 11h à Nation le 9 mars par les mouvements lycéens. Eh bien, l'après-midi, il y aura aussi une autre manifestation à 14h à République. Et sachez qu'il y a un rendez-vous pour les personnes qui voudraient aller à cette manifestation. Un pré-rendez-vous à l'aller rue Amelot à partir de 13h. Voilà. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Pour qu'on soit ensemble à la manifestation et qu'on soit plus fort, plus fort, bien évidemment, hein, avec tout le monde, puisque c'est ensemble, encore une fois, hein, c'est ensemble, je pense qu'on ne le dit jamais assez, mais c'est ensemble qu'on y arrivera, hein, et pas chacun et chacune de son côté. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous le pouvez, hein, bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Y a beaucoup de cas où ce n'est pas possible de se mettre en grève, beaucoup de cas où ce n'est pas possible de manifester, et nous en sommes très conscients ici à Radio Libertaire. Mais dans le cas où vous le pouvez, n'hésitez pas à vous mobiliser pour cette journée du 9 mars. On espère en tout cas que ça va débarrer un mouvement de plus grande ampleur encore, et que la loi El Khomri, c'est simplement un des bâtons dans les roues, mais qu'il faut faire sauter tous les autres bâtons dans nos roues du progressisme social, hein, tout simplement, et puis en tant que libertaire, vers l'horizon anarchiste auquel nous aspirons sur cette antenne. Voilà ce que je voulais dire. En plus sur ça, et merci ce cher compagnon de m'avoir appelé pendant la pause musicale. Les rendez-vous Île-de-France, j'en ai noté que deux. Hein. Alors il y en a plus, n'hésitez pas à vous renseigner près de chez vous, hein, avec les collectifs dont vous faites peut-être partie. Notamment ce soir, une conférence, ce soir lundi 29. Une conférence intitulée « Gouverner les sociétés par la santé ?» C'est une question. C'est l'intitulé de la conférence qui est donnée par Caroline Isambert. Et c'est la quatrième séance du cycle « Espace et pouvoir » en partenariat avec la Dioniversité. Et donc le groupe Henri Poulaï de la Fédération anarchiste et l'Université Paris 8 et précisément le département de géographie. Alors en France, depuis les années 70, la lutte contre l'immigration clandestine est présentée comme une priorité de tous les gouvernements, de droite comme de gauche, et de moins en moins de droits sociaux sont reconnus aux personnes en situation irrégulière. Pourtant, la prise en charge des soins et la couverture maladie restent assurées. Mais depuis 2000, l'aide médicale d'État permet aux sans-papiers d'avoir accès à l'hôpital et aux médecins, mais dans des conditions qui restent quand même moins bonnes, il faut le préciser, que celles des Français et des personnes étrangères en situation régulière. Cette conférence, donc, ce soir, reviendra sur l'histoire et la géographie politique de ce qui peut apparaître comme exception aux politiques anti-immigration, et qui est en train, en tout cas, cette exception, d'être totalement démantelée. Hein. On le voit tous les jours, hein. On en entend parler par les masses médias ou pas, hein, par les médias alternatifs, mais on en entend sur ça tous les jours. Alors, où est-ce que ce sera ? Ce sera à la Bourse du Travail de Saint-Denis, qui est située au 9 et 11 rue Guénin. On y accède par la station Saint-Denis-Porte de Paris avec la ligne 13 du métro et la ligne T8 du tramway. Ce sera à 18h, oui, je n'avais pas donné l'heure, je crois. À 18h, et présenté par Caroline Isambert, qui travaille au Centre de Recherche Historique. Autre rendez-vous en Île-de-France, ce sera le jeudi 3. Et le jeudi 3 mars, c'est une projection qui sera suivie d'un débat. Une projection à 20h du film qui s'intitule « Comme des lions ». Et comme des lions, c'est un film sur la lutte des travailleurs et des travailleuses de l'usine PSA à Aulnay-sous-Bois, qui a eu lieu en 2013. C'est un film de Françoise Davis. Donc c'est sur la grève qui avait eu lieu à PSA Aulnay en 2013. Et je vais vous lire un peu le petit intitulé du film, « Comme des lions » plonge le spectateur au cœur de 2 ans d'engagement de salariés de PSA Aulnay contre la fermeture de leur usine qui employait plus de 3000 personnes, dont près de 400 intérimaires. Les lions, qui se battent pendant 2 ans devant la caméra de Françoise Davis. Ce sont les ouvriers et les ouvrières de l'usine PSA d'Aulnay. Bien sûr qu'on peut quelque chose contre la fermeture des usines. Enfin, on pourrait. Si... Eh oui, avec beaucoup de si, et on est, si on est beaucoup à le décider et à s'impliquer. Pendant 2 ans, des salariés de PSA Aulnay se sont opposés à la fermeture de leur usine. Ils n'ont pas empêché la fermeture. Mais ils ont mis à jour les mensonges de la direction, les faux prétextes, les promesses sans garantie, les raisons de la faiblesse de l'État. Ils se sont même découverts décideurs. Ils ont ouvert une brèche dans le mur du désespoir. Alors c'est un film qui est projeté tout au long du mois de mars pendant différents endroits. Là, je parle pour le jeudi 3 mars. Ce sera au cinéma Paul Éluard de Choisy-le-Roi. Le cinéma Paul Éluard est situé au 4 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, à Choisy-le-Roi, donc, dans le 94, et on y accède par la station Choisy-le-Roi du RER C. Et ce sera diffusé à d'autres moments aussi, hein, le 8 mars au cinéma L'Écran à Saint-Denis, le 9 mars au cinéma Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône, le 13 mars au cinéma Jacques Prévert à Aulnay-sous-Mois, le 17 mars à Nanterre au cinéma Les Lumières, et le 24 mars au cinéma Le Méliès à Montreuil. Alors, c'est un film, bien évidemment, qui est à regarder, je pense, concernant les grévistes de l'usine PSA Aulnay. Alors, bien évidemment, j'ai cité un peu plus tôt dans l'émission une manifestation des Vélorussions contre l'automobile. Bon, l'automobile, c'est bien, ça peut être bien dans certains cas. Par contre, je pense que nous n'avons vraiment pas besoin de l'automobile individuelle, hein, et que le covoiturage peut être une bonne solution pour l'instant pour faire diminuer le nombre d'automobiles dans notre société. Il n'empêche que ces gens-là ont perdu leur travail, ont se sont mis en grève et donc n'ont pas été payés beaucoup les mois où ils étaient énormément de jours en grève. C'est la perte d'un emploi qui permet de vivre. Il ne faut pas oublier que nous sommes quand même sur le lien soumis du salariat, entre le lien soumis du salarié au patron, au patronat en général, et que seul le travail salarié nous permet de pouvoir payer son loyer, de pouvoir payer des vêtements, de pouvoir se nourrir, de boire, de se désaltérer donc, de pouvoir avoir de pouvoir faire du sport si on a envie, de pouvoir s'acheter des choses qu'on a envie de s'acheter. Il n'y a que le travail salarié actuellement qui le permette. Hein. Les entreprises qui sont actuellement sous gestion directe, alors déjà il n'y en a pas à ma connaissance, même l'usine de thé qui a été reprise, les Fralib, est une coopérative, mais qui ne fonctionne pas en gestion, pas à 100% en tout cas, en gestion directe. Et quand je dis à 100%, j'entends par là la définition de gestion directe d'un point de vue libertaire, hein, entendons-nous bien. Il y a vraiment très très peu dans le monde actuellement d'entreprises qui fonctionnent en gestion directe. C'est ce qu'on espère, nous, en tant qu'anarchistes, de pouvoir augmenter le nombre d'entreprises. Alors ce n'est pas vraiment bon, mais le nombre de lieux de production et d'échange qui fonctionneraient en gestion directe, donc, et en partenariat, en association claire entre les usagers et les producteurs, que ce soit des producteurs industriels, hein, de matériel industriel et d'objets, ou de producteurs agricoles pour se nourrir, peu importe. Mais voilà, dans tous les cas, comme des lions, raconte 2 ans de grève intense, avec l'échec de cette grève, puisque l'entreprise a fermé, mais des gains de cette grève au niveau personnel en tout cas, puisque ce n'est pas... Comme ça, ce n'est pas inné de se mettre en grève. de se mettre en grève dans une entreprise, il faut avoir conscience de ce qu'on est en train de perdre comme acquis sociaux, il faut avoir conscience de se faire exploiter par le patronat, il faut avoir conscience de ce qui pourrait être mieux dans l'entreprise et dans la société pour pouvoir se mettre en grève. Voilà, avoir conscience de la lutte des classes, du système classiste qui existe dans notre société, avoir conscience de ce qui peut être acquis par la lutte, parce que seule la lutte paie, hein, seule la lutte paie, mais il faut être conscient de ce qu'on peut gagner ou perdre quand on ne lutte pas. Je pense notamment, c'est très vieux, hein, excusez-moi de citer cet exemple, mais je pense notamment à Fernand Pelloutier, hein, créateur ou co-créateur des bourses du travail à la fin du 19e siècle, et qui, lui, pensait que les bourses du travail, à l'époque où c'était vraiment des bourses du travail, participaient à la, comment dire, à la formation intellectuelle et technique de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses. Et c'était donc dans les bourses de travail que étaient donnés des cours sur les aspects techniques de différents corps de métier. Et puis, il y avait les bibliothèques qui étaient à la disposition de tous et toutes. Et Fernand Pelloutier était très accroché au livre et à la transmission des choses par le livre. Et c'est bien pour ça qu'il y a aujourd'hui plein de maisons d'édition révolutionnaires, radicales et libertaires. Et c'est bien aussi pour ça qu'existe la librairie Publico, hein, c'est pour transmettre, puisque par le livre, il y a des choses qui ne passent pas par la parole, et inversement, par la parole, il y a des choses qu'on ne peut difficilement écrire aussi. C'est un double jeu, et c'est une notion de va-et-vient entre le livre et la parole, et je pense que c'est quelque chose qui est à défendre et à faire perdurer. En attendant, Comme des lions, c'est un film sur la grève de PSA Aulnay, et je vous conseille d'aller le voir si vous le pouvez, hein. Il va passer... Alors, j'ai pour l'instant pas de date pour Paris Intramuros, mais je pense que La Clé, qui est un cinéma quand même assez radical, en tout cas qui passe des films assez radicaux, certainement passera ce film courant du mois d'avril ou mai. En tout cas, pour les villes proches de Paris, hein, vous avez, voilà, vous avez ce jeudi à Choisy-le-Roi, puis à Saint-Denis, puis à Saint-Ouen-l'Aumône, courant de mars, puis à Aulnay-sous-Bois, puis aussi à Nanterre. Hein, à Nanterre, il suffit de prendre le RER A, il y a deux stations, et descendre à Nanterreville. Le cinéma est à 5 minutes à pied. Vous avez le cinéma Méliès à Montreuil aussi. Il suffit de prendre le métro 9, quelques stations, hein, ce n'est pas long, pour sortir de la capitale et aller voir ce qui se fait, parce qu'il se fait des choses aussi en banlieue. Hein, il ne faut pas rester cantonné exclusivement à la capitale, même si aujourd'hui, hein, la métropole du Grand Paris, c'est avaler, boire et digérer les trois départements qui sont limitrophes, qu'on appelle donc la Petite Couronne, hein, 92, 93 et 94, pour l'intégrer à une espèce de méga-capitale comme Tokyo ou comme New York, ce qu'on appelle les mégalopoles, donc. Mais, voilà, il faut continuer à lutter contre la gentrification sur le sujet des villes. Mais voilà, pour les usines aussi. Hein. Aulnay, l'usine n'est pas dans Paris. C'est une usine qui est donc en banlieue, dans le 93. Voilà, toutes les luttes ne sont pas à faire sur Paris. Elles sont à faire aussi ailleurs en région Île-de-France et puis ailleurs en France. Ailleurs en France. Mais avant de passer au rendez-vous en région, on va se faire de nouveau une petite pause musicale. Allez, on va continuer avec un petit reggae avec le groupe Gladiators et le titre Guts. À tout de suite. Guts, to be a naughty dreadlocks. Naughty dreadlocks. You got to have guts. À l'écoute de Radio Libertaire sur le 89.4, sur la bande FM, sur Paris et l'Île-de-France et partout ailleurs sur le streaming de la radio, sur internet donc, sur le site de la radio, les www.radio-libertaire.net. Alors, on vient de s'écouter deux chansons de reggae avec Gladiators et le titre Guts et enfin Abyssinians avec le titre African Dub. Alors, un petit rendez-vous que j'avais oublié de citer. Pour la région Île-de-France, c'est un concert. C'est un concert qui aura lieu le samedi 5 mars à partir de 19h et ce sera à la Comédia. La Comédia, c'est 88 rue Édouard Vaillant à Montreuil. L'entrée sera à prix libre. Il y aura trois groupes avec Madame X, All This Mess et Sofa Express. 19h à prix libre à la Comédia et on y accède la Comédia avec le métro 9. La sortie Croix de Chavaux. Voilà. Donc si vous voulez soutenir la musique alternative, eh bien vous pouvez aller à la Comédia. L'entrée est à prix libre. C'est ce samedi à 19h avec trois groupes intéressants. Alors ça sera rock et punk. Hein. Mais voilà, ça reste une musique subversive dans tous les cas. Voilà pour le dernier rendez-vous en Île-de-France. Alors on passe au rendez-vous en région, avec notamment à Grenoble. Alors Grenoble, où il y a eu une manifestation, hein, il y a, je ne sais plus si c'est un soutien à la ZAD ou quelque chose comme ça, mais il y a eu une arrestation, en tout cas, en fin de manif. Oui, voilà, c'était une manifestation de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et il y a eu une arrestation pendant cette manif pour cause de bombage contre Vinci. Voilà, voilà, voilà, les réjouissances. Et le rendez-vous que je voulais vous proposer à Grenoble, ce sera mardi 1er mars à 20h. Et c'est organisé par Le Café Paysan. La discussion aura pour thème le petit habitat paysan. Alors, les cafés paysans sont des rencontres mensuelles ouvertes à toutes les personnes intéressées par la paysannerie, l'agriculture et les questions d'alimentation, avec la participation de paysans et de paysannes des environs de Grenoble. Au menu, revue de presse, libre-échange d'informations, présentation d'une merveille paysanne, comme une plante, un outil, une méthode, petit exposé sur un thème paysan et bien sûr un pot convivial avec jus de fruits et petits gâteaux. Le thème du mois de mars sera le petit habitat paysan, c'est-à-dire l'habitat choisi, léger, mobile, réversible, un exposé participatif, hein, venez témoigner de votre expérience sur le sujet. Une table de presse avec des brochures paysannes sera également proposée et ce sera à 20h à la MJC des Eaux Claires, 33 rue Bouchaillé à Grenoble. On y accède avec le tram ligne E ou ligne C, station Valier-Libération. Voilà, pour mardi 1er mars à 20h à Grenoble, café paysan sur le petit habitat paysan. On passe sur Nantes. Nantes, il y aura du 29 au 6 mars une semaine de travaux prévue à La Châtaigne. La Châtaigne, c'est une zone sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, c'est une... comme je disais tout à l'heure, hein, c'est les travaux en dur qui vont commencer par les zadistes sur la zone qu'il et elle occupe. Tout simplement parce que, eh bien, il faut commencer à vivre et à s'installer entre guillemets définitivement, hein, sur la ZAD. Et aussi pour éviter que Vinci de nouveau revienne à la charge, même si on le sait très bien que Vinci va de nouveau revenir à la charge. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est pour construire des choses pérennes. Vous avez toutes les informations nécessaires sur le site internet Indymedia, Indymedia Nantes. Ou alors, si vous allez à la réunion hebdomadaire du collectif Notre-Dame-des-Landes Île-de-France, tous les mercredis soirs à la CNT, 33 rue des Vignoles, vous aurez sans doute plus d'informations aussi sur ce qui se passe. Voilà, il y a des maisons en bois qui vont être construites, des bâtiments, refaire les circuits d'électricité entre les cabanes pour les sécuriser, construction de douches et de cuisines, voilà, une construction de terrasse aussi, et puis voilà, donc de la construction en dur pour les personnes, enfin des constructions pérennes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en plus particulier sur la zone qui s'intitule La Châtaigne. Voilà pour Nantes. On passe à Marseille. Et sur Marseille, vous avez le jeudi 3 mars. À l'initiative du groupe Germinal de la Fédération Anarchiste, un groupe anarchiste de Marseille, que je salue au passage, une causerie, vous avez, enfin qui vous est proposée, une causerie sur les médias. Ceux aux mains de l'élite et aussi sur les médias alternatifs. Et il y aura un intervenant d'Acrimed, qui édite une revue et un site internet, de CQFD, du journal CQFD, du journal Le Ravi, et aussi une personne de la rédaction du Monde Libertaire, le journal de la Fédération anarchiste. Vous avez toujours d'ailleurs le dernier Monde Libertaire, toujours en kiosque normalement, et aussi en vente à la librairie Publico, et en vente aussi sur le site internet de la librairie Publico. Le prochain numéro du Monde Libertaire devrait normalement sortir courant mars, je dirais vers la semaine du 20 mars, par là. Donc ça, c'est ce qui était proposé par le groupe Germinal de l'AFA de Marseille. Et si je donne l'heure et l'adresse, c'est encore mieux. Ce sera à 19h, donc ce jeudi 3 mars, à la Casa Consola, située au 1 rue Consola, dans le 1er arrondissement de Marseille. Et l'entrée sera libre. Un point d'information aussi sur Marseille, l'Action française a ouvert un local sur Marseille. Alors je sais qu'il y a des choses qui sont en train de s'organiser pour savoir comment réagir face à ça. Comment réagir face à ça? Comment réagir face au fait que donc l'extrême droite royaliste a donc pignon sur rue, dirons-nous. Et comment s'organiser face à ça? Je sais qu'il y a différents collectifs antifascistes, mais pas que, des collectifs syndicaux aussi, qui veulent s'impliquer sur comment faire, comment s'organiser face au local d'Action française. Renseignez-vous, hein, si vous êtes sur Marseille, n'hésitez pas à prendre contact avec les différents collectifs pour savoir ce qui est en train de se décider. Voilà, l'installation d'un local de l'Action française à Marseille. C'est triste, c'est très triste. Voilà pour les informations en région. Voilà, juste quelques rendez-vous à vous transmettre. Je vais vous faire un petit point sur les informations internationales que j'ai avant de laisser la place à l'émission Onde de choc qui débutera vers 14h30. Alors en Belgique, sachez qu'en Belgique, cette semaine, il y a la semaine de la femme, qui est organisée à Anderlecht, c'est situé dans la banlieue de Bruxelles, juste à côté de Bruxelles. Ce sera du 2 mars au 9 mars, avec plein de conférences, des conférences, des projections, des débats, des ateliers aussi, évidemment sur la condition de la femme dans notre société, et dans la société belge en particulier. Je ne sais pas s'il y aura des choses organisées en non-mixité, mais vous pouvez vous renseigner. Alors si vous êtes sur Bruxelles même, eh bien n'hésitez pas à passer à Anderlecht. Si vous n'êtes pas sur Bruxelles, ou même si vous êtes en Belgique, n'hésitez pas à aller sur le site d'Hémosphère Bruxelles pour avoir un peu plus d'informations, et notamment le détail de ces différentes conférences, de ces différents ateliers par ailleurs. À Anderlecht, il y a toujours les réunions anticarcérales au local qui s'intitule Le Passage. Voilà, certains soirs de la semaine. Alors n'hésitez pas à y passer, sachant qu'il y a la mobilisation, et toujours une mobilisation contre la maxi-prison qui est en train de se construire en Belgique, pas loin de Bruxelles. Dimanche 6 mars, vous aurez une manifestation des femmes sans papier. Le rendez-vous est donné à la gare centrale de Bruxelles à 13h, et la manifestation se dirigera ensuite vers la place Bethlehem à Saint-Gilles, avec des concerts et des prises de parole ensuite. Donc voilà, ça ce sera dimanche 6 mars, et puis il y a sans doute d'autres choses qui sont organisées sur Bruxelles. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller consulter Hémosphère Bruxelles pour plus d'informations sur le sujet des luttes et des rendez-vous en Belgique. N'hésitez pas non plus, hein, pour les rendez-vous que j'ai donnés en région, à aller visiter les sites de médias alternatifs, hein, tels que Indie Média Nantes ou Indie Média Grenoble, ou encore les sites mutualisés que sont Paris Lutte Info pour l'Île-de-France, Rebellion pour Lyon, Yata pour Toulouse, Marseille Info Autonome pour la région de Marseille et des Bouches-du-Rhône, et puis d'autres encore, hein, n'hésitez pas à aller les consulter. Je vous avais parlé il y a deux semaines de deux marionnettistes, petite troupe de théâtre qui avait été incarcérée suite à un spectacle qui avait été considéré par la police comme subversif et incitant au terrorisme, en faisant l'apologie du terrorisme. Une des deux personnes était membre de la CNTAIT en Espagne. Et bien sachez que les deux personnes ont été libérées. Alors elles avaient été incarcérées au secret. Personne ne savait dans quelle prison ces personnes avaient été incarcérées, mais elles ont été libérées, mais restent quand même sous le coup d'un jugement pour apologie du terrorisme. Donc voilà, dès qu'on essaye de faire quelque chose, qu'elle soit petite ou grande, mais que c'est considéré comme subversif, eh bien voilà, on risque quand même de se faire mettre en prison au secret, de se faire incarcérer donc, et puis de risquer un jugement qui nous mette en taule pour une durée plus longue que les 2-3 semaines que ces personnes ont eues. Je salue au passage nos camarades de la CNTAIT espagnole qui font un travail assez conséquent sur des bases syndicalistes révolutionnaires et anarcho-syndicalistes en Espagne, tout en maintenant au sein de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, des liens internationalistes, donc de solidarité avec d'autres pays. On touche à la fin de notre émission, il est 14h20. Vous allez retrouver l'émission Onde de choc à 14h30 et puis l'émission Trou noir à partir de 16h également. Animé Trou noir par le groupe Gaston Leval de la Fédération anarchiste, qui sera une émission en direct si mes souvenirs sont bons. Quant à nous, on se retrouve, j'espère au complet, avec Milan. Lundi prochain, où je vous parlerai plus amplement de la loi El Khomri et des mobilisations à venir contre cette loi, contre la casse du code du travail, qui n'est pas parfait, le code du travail, mais qui reste quand même un élément de défense face au patronat. Et on parlera de tout ça la semaine prochaine, lundi prochain, donc à partir de 13h. Comme je l'ai dit, j'espère au complet avec Milan de retour. Et puis encore beaucoup de rendez-vous sur Paris-Île-de-France, en région. Et puis toujours une information internationale à la fin vers la fin de l'émission quand on a un peu de temps. Alors je vais vous laisser avec le générique de fin. C'est toujours le groupe Seconde Chambre, pardon, avec le titre Victoire prochaine. Et juste avant, peut-être Non, il est 14h22, je vais vous laisser voilà, avec le générique de fin. Et puis, Onde de choc va prendre la suite juste après. Alors, passez une bonne semaine de lutte. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! si j'entre là-dedans, on peut s'élucer jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que.